Silencio. Bon, bah, vous êtes sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. L'émission est faite par l'APF d'Orléans, par Jackie et Louis, pour le Noche Flamenca. Et ça recontinue pour nos nouvelles chansons. C'est reparti!

y a los pies del albaicín. Vous êtes toujours sur Radio Arc-en-Ciel, 96.2 FM. L'émission est faite par l'APF d'Orléans, par Jackie et Louis, pour la note chef flamande, et ça recontenu pour de nouvelles chansons. Et c'est parti! Vous êtes toujours sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. L'émission est faite par la PF d'Orléans, par Jackie, pour la Noche Flamenca. Et ça continue encore. Le chanteur est super chanteur. Il s'appelle Manolo Parada. Et voilà, vous avez le chanteur qui est super, qui chante très bien. Et je vais vous le repasser. Olé! Y emigrante fui del sur, y emigrante agradecido. Y emigrante fui del sur, y emigrante agradecido. Mi destino es Barcelona. Mi destino destino es Barcelona. Mi destino es Barcelona, Barcelona. Barcelona es mi sentido. Los momentos más lágrimas de sangre, fueron lágrimas de sangre. A mi padre yo le di con la suerte y el dinero también mi tierra y el cielo. Barcelona es mi camino, Barcelona es mi camino. Fui lo primero. Barcelona está en mi mente, en mi corazón te llevo, donde floreció mi amor, donde floreció mi amor. Barcelona, Barcelona, tan hermosa y señorona, con su rambla de las flores, con su rambla de las flores, te recuerdo. Barcelona, Barcelona, tan hermosa y señorona, con su rambla de las flores, con su rambla de las flores. Thank you. ponía y una mujer me nombraba. Y en su última agonía, mi nombre lo pronunciaba porque quería saber si otro labio o me besaba. Bon, ben vous êtes toujours sur Radio Arc-en-Ciel, 96.2, l'émission est faite par l'APF d'Orléans, par Jackie pour la note chez Felmanca. Si vous le désirez venir danser la Sevillana, vous venez le sabbado de 14h jusqu'à 17h au 108 Rue de Bourgogne, au 3e étage. On vous attend, il n'y a pas de problème, ça commence le samedi. Et vous venez danser la Sevillana, on vous attend, venez danser. Et vous pourrez danser, boire un petit coup si vous voulez aussi. Voilà. Bon, allez, ça recontinue. Pour Manolo. Olé. Maria, Madre Gracia. Que no me llames por María. No llamarme por María. Ay, llamarme por Solea. Eran dos vivos crespones, la luz que daba sus ojos. Era arrogante y morena, su pelo como las penas que desgarra las entrañas. Y llevaba la pestaña de la propia Macarena. Ay, caballo, me hondo más y más atalajao. Un andaluz no sueña, ni traje mejor cortado que el que lucía su dueña. Ay, era de plata el herraje, los cuatro muleros. Somos cuatro muleros, de los cuatro muleros, mamita mía, que van al río, que van al río, que van. Y el de la mula torda, mamita mía, es mi marido, está lloviendo en el campo, está lloviendo en el campo. Y en el campo está lloviendo, y está lloviendo en el campo, mamita mía, mi amor se va, mi amor se va, mi amor. Se muere. Quien fuera un arbolito, quien fuera un arbolito, quien fuera un arbolito. De ser puerto del león, camino del Turmenal. De ser puerto del león, se divisa la maroma y es un pico señorial donde la nieve se asoma. Vous êtes toujours sur Radio Arc-en-Ciel, 96.2. L'émission est faite par l'APF d'Orléans, par Jackie pour la Noce Flamenca. Et ça recontinue encore. Quiero estar sola, maldita mi suerte, maldita la hora. Oh!

à partir de 20h ou 10h, il y a une grande fête portugaise à la salle Montisson le 9 novembre. Vous venez à Saint-Jean-de-Blanc, salle Montisson, un grand bal, une portugaise qui s'appelle Maria. Elle descend du Portugal, venez nombreux pour un grand bal portugais. C'est un anniversaire de Radio Arc-en-Ciel. Venez, on vous attend, il n'y a pas de problème. Venez danser et on vous reçoit entièrement. Vous dansez n'importe quelle danse qui vous intéresse, mais la chanteuse va danser des super chansons du Portugal. Voilà, animer le spectacle par Radio Arc-en-Ciel. Et voilà, c'est reparti. Non teme a los temporales con su barquilla. Va surcando los mares de orilla a orilla. Y a la mar, y a la mar, y a la mar. Que el hombre que no es valiente no sale a navegar. Y a la mar, y a la mar, y a la mar. Que el hombre que no es valiente no sale a navegar. Vous êtes toujours sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM par l'émission est faite par l'APF d'Orléans par Jackie pour la Noche Flamenca. Si vous désirez venir à un grand bal portugais à la salle Montisson à Saint-Jean-de-Blanc le 9 novembre, vous venez, et puis une super chanteuse du Portugal qui descend du Portugal pour chanter des belles chansons portugaises. Venez, on vous attend à un grand bal portugais. C'est en plus un anniversaire de Radio Arc-en-Ciel. Venez, on vous attend. Venez, venez, on vous attend pour danser un grand bal portugais avec Maria. Olé, Gabi, vas-y. L'émission se termine bientôt. Il est 19h59. Je vais rendre l'antenne. Autrement, je vous dis buenas noches. Et autrement, bonne soirée. Et bonne fête portugaise si vous venez à Radio Arc-en-Ciel. Ça sera à Saint-Jean-de-Blanc, à la salle Montisson. Le 9 novembre, à la salle à Montisson, à Saint-Jean-de-Blanc. Venez, un grand bal portugais, c'est un anniversaire de Radio Arc-en-Ciel. Olé, et c'est parti. Buenas noches.